my phone. Cherche pas, tu veux me tester, t'arriveras pas. Dramatique sexe, cette pilote le rap sans dérapage. Arrêtez de reprendre mes rimes, désolé, c'en est trop. J'ai tout mon temps, tu veux me doubler, mais je te vois dans le rétro. Une tempête de flammes, ça part dans tes oreilles. On se doit de réussir, et surtout faire d'oseille. Pour mon âge, on m'a dit que je rappais très bien. Des rappeurs comme moi, j'en ai vu aucun. Ok, je parle de tout et de rien. Je fais de la publicité, on est félicité avec une facilité. C'est pire qu'une banalité, mon album banalisé. On peut nous analyser, moi je suis déjà canalisé. Tu kiffes la sonorité, mon flow, ma voix, ta meuf qui fait ma voix. Ça claire une abattoir, moi je me prends pas pour je sais pas qui. On connaîtra bientôt jusqu'à Paris. Loin de tout, je ne sais plus quoi donner. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus où regarder. Loin de tout, l'échec je l'ai connu bien avant les maths. Les statistiques même font que mon album s'est mis dans les pattes. Loin de tout, je ne sais plus quoi donner. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus où regarder. Loin de tout, dramatique, on parle pas de gueule, on s'exprime et on porte nos couilles. Alors qu'on comprend pourquoi on parle pas de si on se déplace en cas d'embrouille. Tenté par les thunes, on se met à vendre de la drogue. Pour loin nos soucis, on se met à boire de l'alcool. Tenté par la zic, on vise la réussite. On veut percer et se barrer, moi zizi. Je note que c'est tes potes qui deviennent des bâtards. Sur 5 doigts, je peux même pas compter mes bras droits. On veut partir loin de tout, éviter le sursis. Oublier nos soucis, émane ma vie n'est pas rose. Je reçois trop de coups de couteau à en devenir parano. On cherche à liser les bacs. On mérite notre place à la plaque. On veut se barrer loin d'ici, loin de tout. Loin des coups, loin des poufs. Loin des coups, loin des poufs. Loin de tout, je ne sais plus quoi donner. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus où regarder. Loin de tout, l'échec je l'ai connu bien avant les maths. Les statistiques même font que mon album s'est mis dans les bacs. Loin de tout, je ne sais plus quoi donner. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus où regarder. Loin de tout, dramatique, un son cruel, mortel, d'orage, j'en fais que des séquelles. 28, c'est de la génération IDAJ. On tient les murs dans les nightclubs autour des B.I.G. J'ai la rime qui assassine un beat blindé de victimes. Ils peuvent venir constater les lieux du crime. Ici, pas de contrôle parental ni de parasite. Je sais très bien que ma main saura écrire que j'ai des flots exquises. Dans mes pensées, j'ai l'arsenal d'idées précises et subversives. À 8h05 du mat, j'ai le rythme intérim. Synthétise, j'exprime tout ce que j'ai au fond de moi. J'espère jusqu'un jour mon son on l'entendra. La paix n'y sera jamais dans ce monde de vendu. Je m'en bats les douilles maintenant, je vais tout vous balancer sans faire de fausses poésies ni passer par des dictons. Quelle sèche introduction, voilà ma déduction. Loin de tout, je ne sais plus quoi donner. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus où regarder. Loin de tout, l'échec je l'ai connu bien avant les maths. Les statistiques même font que mon album s'est mis dans les bacs. Loin de tout, je ne sais plus quoi donner. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus où regarder. Loin de tout, dramatique, histoire.